Toujours à l'occasion du jour anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, le roi Norodom Sihamoni et Norodom Moninyet Sihanoukou, grande reine du royaume du Cambodge, ont fait parvenir le 7 coron les grandes corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Mandatée par le roi et la grande reine, la délégation du ministère du palais royal du gouvernement du royaume du Cambodge, conduite par Khun Samol, vice-premier ministre chargé du palais royal, a déposé les grandes corbeilles de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il avant de formuler l'hommage sublime.